En liaison avec la fin du roman précédent, Le Bachelier, Jacques Vintra, le narrateur, reconnaît sa lâcheté d'avoir accepté d'être pion et de se plier aux pratiques, y compris religieuses, du collège qu'il emploie. Mais au moins, il y est nourri et logé correctement, à la différence de ce qu'il a vécu souvent jusque-là. Un beau soir, au dortoir, il y a eu une insurrection entre les murs de bois. Tapage contre les cloisons, sifflets, grognements, cris, et si drôle que, ma foi, j'ai voulu m'en mêler. Et j'ai moi aussi cogné, sifflé, grogné et crié avec des notes aiguës de soprano. « À bas le pion !» C'est ma première heure vivante depuis mon entrée ici. Je suis là, en chemise, au milieu de la cellule, cognant le chandelier contre le pot de chambre, faisant le coq et le cochon, glapissant toujours. « À bas le pion !» On pousse la porte. C'est le proviseur lui-même. Je vois bien que je suis fichu. Je vais me payer des fantaisies avant qu'on me chasse. L'occasion vient de se présenter. Le professeur de rhétorique est tombé malade. C'est moi qui ferai la classe aujourd'hui. Messieurs, le hasard veut que je supplie votre honorable professeur, M. Jacquot. Mais je me permets de ne point partager son opinion sur le système d'enseignement à suivre. Mon avis, à moi, est qu'il ne faut rien apprendre, rien, de ce que l'université vous recommande. Rumeur au centre. Je pense être plus utile à votre avenir en vous conseillant de jouer au domino, aux dames, à l'écarté. Les plus jeunes seront autorisés à planter du papier dans le derrière des mouches. Mouvement en sens divers. Je voudrais enfin que le temps que nous allons passer ensemble ne fût pas du temps perdu. Le soir même, j'ai reçu mon congé. Me voilà de nouveau sur le pavé de Paris, n'ayant que 40 francs en poche et brouillé avec toutes les universités de France et de Navarre. Je ne suis plus le même homme. 8 mois de province m'ont transformé. Je vais chercher à vendre 8 heures de mon temps par journée afin d'avoir, avec la sécurité du pain, la sérénité de l'esprit. J'étais parjure en étant pion. Parjure je serai encore en allant mendier la signature de gens qui ont tenté de nous assassiner au 2 décembre. Misérable, au lieu de gagner du terrain, j'en ai perdu et je viens de me trouver des cheveux blancs. Grâce à 3 maigres commandations, Jacques obtient dans une mairie un emploi à l'état civil. « Assurez-vous du sexe !»« M'assurer du sexe ? Et comment ?»« Me voilà nourrice, ou peu s'en faut. Je suis bien obligé par politesse d'aider un brin à ouvrir les langes, à retirer les épingles, à désemmailloter le moutard et à lui faire une petite chatouille sous le menton quand il crie trop fort. » J'ai demandé congé pour suivre le convoi d'un ami. Enterrement Murgère. On a pleurardé, voilà tout. Je suis revenu songeur, et soudain j'ai senti dans mes entrailles un tressaillement de colère. Il m'a fallu 8 jours encore pour comprendre ce qui remuait en moi. Un matin, je l'ai su. C'était mon livre, le fils de ma souffrance, qui avait donné signe de vie devant le cercueil du bohème, enseveli en grande pompe et glorifié au cimetière, après une vie sans bonheur et une agonie sans sérénité. À l'œuvre donc, et vous allez voir ce que j'ai dans le ventre, quand la famine n'y rôde pas, comme une main d'avorteuse qui, de ses ongles noirs, cherche à crever les ovaires. Moi qui suis sauvé, je vais faire l'histoire de ceux qui ne le sont pas, des gueux qui n'ont pas trouvé leur écuelle. C'est bien le diable, si avec ce bouquin-là, je ne sème pas la révolte sans qu'il y paraisse, sans que l'on se doute que sous les guenilles que je pendais, comme à la morgue, il y a une arme empoignée. Pour ceux qui ont gardé de la rage ou que n'a pas dégradé la misère. Ils ont imaginé une bohème de lâche. Je vais leur en montrer une, de désespéré et de menaçant.